Okay. Le titre de la conférence de ce soir, le confort du libre-arbitre. L'illusion ou le confort du libre-arbitre. Lorsqu'on mentionne le mot confort, je me sens bien assis. Dans le titre, c'est le confort du libre-arbitre. Oui, il est fort du libre-arbitre, le con. OK, le confort du libre-arbitre. Ça démontre presque que le libre-arbitre existe. C'est sûr qu'il existe le libre-arbitre. Ben, c'est évident, s'il y a un confort. Personne n'en a. Personne n'en a. Moi, je ne suis pas prêt à dire là, que le libre-arbitre, personne n'en a. Mais non, ça, c'est pas besoin de le dire, c'est pas prêt. Les gens sont comment les mains ils se conflictent la vie, tu sais? Okay, je suis prêt. Reste assis. Après, reste assis, lève-toi. Là, je suis prêt. Tous les gens qui sont ici, ils ont décidé de venir. Non, il n'y a personne ici qui a décidé de venir. Mais juste avant le titre, là, le confort ou le libre-arbitre. L'humain est extraordinairement confortable dans l'illusion du mensonge cosmique parce que l'humain pense que c'est lui qui décide sa vie. Alors, l'humain est confortable. Imaginez le drame que ça serait si l'humain subitement conscientiserait qu'il n'a jamais pris de décision, qu'on l'a toujours marionnetté. Il serait plus confortable dans sa vie. L'humain, il se dirait, ça veut dire que tout ce que je vais essayer de faire pour m'en sortir, si je manipulais, donc tout ça est une farce. Quand j'ai décidé de marier cet homme-là ou cette femme-là, j'étais manipulé. On m'a fait croire que je l'aimais. Après ça, on montre la croyance que je l'aime, puis subitement, après 35 ans, je me rends compte, je l'aime pas. On m'a fait, confortable de penser justement, j'appelle pas ça confortable, mais on n'est pas heureux là-dedans. Fait que c'est pas heureux, pas confortable. Mais non, t'es pas heureux. T'es confortable de penser que tu as le choix de mener ta vie. L'humain est confortable de penser que s'il prend la bonne décision, il va être capable de s'en sortir. Mais l'humain ne prend pas de décision. Mais il en prend une. Il n'en prend pas. Bon, juste avant, le libre-arbitre, là, c'est avoir l'impression ou... Le libre-arbitre, là, c'est de décider ce que tu veux faire, de décider le bien et le mal, de décider même de choisir, tu mènes ta vie. Ça, c'est du libre-arbitre. Puis personne n'en a. Non. Bon, aujourd'hui, je suis venu prendre ma douche, puis j'avais pas d'eau. Je voulais prendre ma douche. J'avais décidé de prendre ma douche. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'eau pour prendre ta douche. Tu avais décidé. J'avais décidé de prendre ma douche. Et puis, les robinets, pas d'eau. Oh, mais tu n'as pas besoin d'eau pour prendre ta douche. Faut un levier, une chariot. Là, je n'ai plus des barbites. Je l'avais avant pour aller prendre ma douche. Mais quand j'arrive, j'avais plus d'eau. Là, je n'ai plus des barbites. Tu me fais comprendre que je n'ai pas de maringouin sous mon nez. Je n'ai pas de maringouin. J'ai du barbite, j'ai pas de maringouin. Puis quand j'ai pas atterri, j'ai du libre-arbitre. Quand j'ai atterri, je l'ai plus. C'est ça, quasiment un rien que du libre-arbitre pour moi. Ok, t'es confortable, toi. Ton libre-arbitre, il n'y a pas grand-chose. T'es confortable. Ben, assis. Non, c'est un traumatisme souvent chez les personnes qui font le séminaire au début, de prendre conscience, sauf que l'humain est enrusé. Après, le petit traumatisme du séminaire, il finit par revivre dans le confort du libre-arbitre. Mais puis pourquoi tu dis qu'il y a un confort dans le libre-arbitre? Mais l'humain est confortable, l'humain il dit, c'est moi qui décide! L'humain est confortable. Quand je dis à l'être humain, là, t'as jamais rien décidé. Écoute, c'est moi qui ai acheté cette cravate-là. Tu n'as même pas décidé de l'acheter. C'est toi qui l'as payé. T'as pas décidé de l'acheter, t'as pas décidé de l'aimer, t'as pas décidé de la mettre, t'as pas décidé de l'eau chaude, t'as pas décidé de ton corps, t'as pas décidé de ta vie, t'as pas décidé de ta femme, de ton mari, de tes enfants, t'as pas décidé de l'avion, t'as pas décidé de ta mort, t'as pas décidé du siècle. T'as rien décidé! Mais c'est pas parce que... Mais ça va trembler, il est là, là! Là, j'ai décidé de trembler! Même pas! T'as rien! Rien! Écoute, quand je mange, là, une banane, une pomme, là, pis moi, là, j'aime mieux la banane, fait que je décide que je prends la banane. Là, je le plante, pis j'ai dit, as-tu décidé que t'aimais plus la banane? Ben non, j'aime plus la banane! C'est ça! Moi, je te mets une injection d'énergie, boum, t'aimes mieux la pomme! Et tu dis, moi, je décide que je prends la pomme! T'es manipulé, manipulé! Faites aux atomes! Mais avant de parler, c'est confortable, ça, là. Oui, c'est confortable pour l'humain de vivre là-dedans! C'est confortable! Oui, mais c'est parce que la personne... Mais là, il y a des problèmes. C'est aussi confortable que ça, il n'essaierait pas de s'en sortir. Mais voyons donc, il n'essaierait pas de s'en sortir! Donc, c'est l'espoir qu'on a vu. Oui, l'espoir, l'espoir, l'espoir! Parce que j'ai le confort du libre. il espère que ça va changer. Il espère qu'il va prendre des bonnes décisions. Les barbites. Il espère qu'il ne se trompera plus. Les barbites. Mais parce qu'il ne sait pas qu'il n'y en a pas des barbites. Fait qu'il espère qu'il va prendre des bonnes décisions, mais il ne sait pas. Mais comment ça se fait que depuis ta naissance, tu es venu au monde, toi, un moment donné? Ça a l'air. Ce corps-là, là? Oui. Parce qu'il n'y a pas les vieux, ça? Bon. OK. C'est un compliment. Depuis ta naissance, depuis la naissance de ton corps physique, quel âge tu as? Quel âge j'ai ce corps-là? 36 ans. Comment? 36 ans. 36 ans. En 36 ans, tu t'es pas encore rendu compte que tu n'en avais pas de barbite? Ben l'humain, après 50 ans, 80 années, il étudie l'histoire. Il s'en rend pas compte qu'ils n'ont pas de barbite. En réalité, il s'en rend compte quotidiennement, mais c'est tellement confortable de croire que c'est toi qui décides, que ceux qui l'ont. Les pensées positives. Think positive, man! C'est ça couvre la planète! Et c'est la même chose, la pensée positive, vous allez changer la vie! Ça va réussir le gouvernement. En tout cas, celui qui écrit les livres est correct. Oui, mais il n'a pas changé sa vie. Il devait avoir cet argent-là. C'est un gardien de la finance. Il en a envoyé. Sauf que lui, il n'aurait pas été capable psycho-émotivement de supporter qu'on y en donne pour rien. Ben, fait qu'il a écrit des livres. Il a mis sur le marché. Là, il donne de l'argent, puis là, il prend. Là, il se dit, guerre, ça marche. Ça marche pas, c'est un gardien de la finance. C'est pas mal sérieux. Mais toi, tu es un gardien de la finance. Là. T'sais, si on vivrait dans un monde simple, t'es un gardien de la finance, tu déambules comme ça candidement sur la rue, puis le monde y passe, puis t'as 50 piastres, t'as 60 piastres, t'as 100 piastres, tu connais ton argent, tu sais rien qui se passe. T'en aurais pareil. Mais vu que psycho-émotivement, tu ne peux pas supporter ça, tu viendrais mettre le bordel dans les plans archangéliques, on va te faire travailler, on va te faire inventer une liqueur abominable, par exemple, qui est noire, qui est poignée de porte, qui remplace lui à la moteur, puis que le monde va voir, puis tu sais, tu vas inventer une abomination. Le monde va donner plein d'argent, c'est-à-dire, si tu te dis mal, je leur vends de la scrap. Ok, Daniel, tu as mentionné le mot « j'ai inventé ». Tu vas dire. Bon, j'ai inventé. Ouais, t'as pris ça où ton invention? C'est ça, mais... C'est ce que tu vas dire, toi, là. Non, c'est ma question. Ok. Parce que je l'apprends, mon invention. Tu fais comme ça. Hop, une idée. On appelle ça une inspiration. Ok, l'idée ou l'inspiration, elle vient de quelque part. De l'air! Ok, simplement faire ça, je la demande. Donc, la demande quoi? Tu sais... Je veux créer, je veux inventer. Jean-Guy, oui. Jean-Guy, arrête un peu. Okay. Assieds-toi confortablement. Je vais aller faire un petit massage. Le confort. Bon, assieds-toi confortablement dans ton illusion du libre-arbitre. Okay. C'est confortable, là? Okay. Relaxe un peu. OK. Bon, sors-moi une idée de génie, vite. Non, mais les gars, il va y avoir une idée. Oui, ça va. Ça vient. Tout le monde essaie de la voir, t'as ta place. Tout le monde essaie d'y aller. Non, une plaie qui essaie de la voler. Ah, il y a trop de valeur. Là, tu vas dire, oui, mais parce que là, tu es devant le monde, tu rases, tu ris de moi. Oh, non! Une idée de génie. Des idées de génie, il y en a qui en ont eu en train de mourir pendant la guerre. Il y a eu des idées de génie, pouf, ils sont morts. Ouais, mais ils sont morts. Il y en a qui ont eu des idées de génie, pouf, ils sont restés en vie. Ben, comment est-ce que je fais pour avoir une idée de génie, d'abord? Ben, si t'en as une, t'en as une. Si t'en as pas une, t'en as pas une. Tu décideras jamais l'affaire. T'es manipulé, pauvre Jean-Guy. Quand je dis pauvre, si je parle de tous tes états, là. Merci beaucoup. Mais là, je veux que. C'est pas confortable quand même. Mais non, une fois que tu t'en rends compte que t'es peut-être fait aux atomes, sinon aux quarks, hein? C'est sûr que c'est pas confortable. Mais pour l'humain, et même pour toi, tu continues à vivre là-dedans. Ben justement, mais chaque fois que je me rends compte que j'essaye de décider quelque chose puis que je me stresse, ben je suis loin d'être confortable. T'es inconfortable dans le stress, mais très confortable dans l'illusion du libre-arbitre. Bon, est-ce que c'est relié, uniquement relié au pouvoir? Non, c'est une forme d'expression. Le pouvoir de l'ego, l'ego veut tout contrôler. Ça, c'est une espèce d'accréditation majeure de l'idée que tu as du libre-arbitre. Mais les prêtres pensent que l'humain a du libre-arbitre, alors qu'en même temps... Prenons un exemple, juste de... Et moi, je suis réveillé, tu es perfecteur de conscience, chacun a sa petite fonction, mais regardez ceci. La personne, elle va se faire tirer aux cartes. Je l'ai déjà dit souvent en conférence, tu te fais tirer aux cartes pour connaître ta destinée, puis tu penses que tu es un libre-arbitre. C'est un ou l'autre, ou tu sais que tu n'as pas de libre-arbitre, ou tu sais d'aller voir la tireuse de cartes. Il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, même plus de changer. Ben, crime, venez, on vous tire aux cartes, moi aussi. Tu vas gagner un tracteur le même matin, mais ça se peut que ça change. Tu auras une barre, madame, ça se peut que ça change. Mais ben, ils vont vous en tirer, moi, des affaires qui peuvent changer le même matin. Mais si la destinée est là, ben, bon, relaxez. Ça perd un œil. Ah, relaxons. Ben, toutes les grandes décisions du monde. Il faut s'entendre par décision. Il n'y a jamais eu de grande décision du monde. Bon, il y a un conquérant qui veut conquérir, disons. Est-ce qu'il a décidé de vouloir conquérir? Non, il n'a pas décidé. est-ce qu'il a décidé de vouloir conquérir, disons? Il n'a pas décidé de vouloir conquérir. Mais il veut conquérir. Il est bâti pour conquérir. Est-ce qu'il a décidé de vouloir? Mais non. Donc, il est manipulé par la fibre. Pas trop vite, hein? Oh, ça parle vite, hein? Oui, mais c'est manipulateur. Ça c'est manipulateur-là. Non. C'est manipulateur. C'est mieux. Oui, et lui, il se dit, écoute-moi, je vais les conquérir. Pourquoi? Parce que ça me tente. Parce que je suis un conquérant. C'est ça. Il vient de prouver qu'il était manipulé. A-t-il décidé que c'était pour... Est-ce qu'il s'est levé un matin en disant, bon, ce matin, ça va me tenter de conquérir la Grèce? Non, ce que je... ça me tente de conquérir la Grèce. Daniel, c'est pas là où je voulais aller. Celui qui a décidé, en guillemets, là, on va dire décider, mais j'ai pas d'autres mots, là. OK? L'humain n'a rien décidé. Non, disons qu'il décide. Le conquérant décide de conquérir, il est prêt à partir, mais il va aller consulter son devin pour savoir s'il va y aller. OK? Donc, si... Attends, je t'arrête deux secondes, je télépate, on sauve du temps. Okay. Les gens passent vite ici. Le conquérant va voir le devin et lui dit, écoute mon grand, suis-moi trois, quatre cochons, regarde dans leurs entrailles, dis-moi si je gagne. Le devin, il ouvre trois, quatre cochons, il dit, non, tu vas perdre. Le conquérant, il tue le devin, il va avoir un autre. C'est toujours ce qu'ils ont fait. Il va avoir raison, donc c'est dans son espoir, là. Il veut que la destinée confirme son illusion du libre-arbitre. Ça, la majorité du monde font ça. OK. Aujourd'hui, on en prend conscience, là. Non. On en parle. Aujourd'hui, on en parle. Parlons-en. Je serais plus confortable. Je serais plus confortable, là, à place de parler du confort du libre-arbitre, je serais bien beaucoup plus confortable à parler de l'illusion du libre-arbitre. Ça peut te mettre confortable. Oui, on dirait que ça me sécurise. Parce que l'illusion, là, ça me donne quasiment une chance qu'il y en a. T'espères. Tu sais, c'est comme voir une image à une télévision, c'est une illusion. Bon, mais en quelque part, il y a une personne qui parle de la télévision, mais elle est réelle en quelque part. Donc, on peut dire l'illusion du libre-arbitre. Nous, on est dans l'illusion du libre-arbitre. Imaginez-vous le tricotage, je devrais faire les bottes-mêmes. Mais... le tricotage, mais... c'est pour arriver quelque part à trouver une faille de Pierre-Ouest du libre-arbitre. Il y a quelqu'un qui a un libre-arbitre quelque part. Non, c'est pas nécessaire. Ben, celui qui est de corps, qui quelque part, lui, il a un libre-arbitre. C'est là où j'en ai, là. Non, mais... Il est franche, mais... D'accord, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manipule? Ben, moi, je pense pas, mais... La question n'est pas là présentement. C'est... La question là, c'est que c'est de voir pleinement et consciemment, tout le monde, là, que l'humain est manipulé. Juste en ça, y a-t-il quelqu'un quelque part qui mène? Non, on va faire mieux que ça. Donnez-moi des exemples de quand vous avez pris des choix ou quand vous prenez des décisions. Allez, OK, monsieur Marie, achetez une maison. Bon, achetez une maison. Quand est-ce que tu as décidé que tu voulais acheter une maison? Quand j'ai été tanné. Quand as-tu décidé que t'es tanné? Quand j'ai pris conscience de quelque chose. Là, t'as décidé de dire, ah tiens, je prends conscience que les murs sont bruns, j'ai décidé que je me tanne, ça y est, je suis tanné. Donc, j'ai pris la décision de m'acheter une maison. C'est le même, tu marches! C'est vrai? Non, mais j'ai été stimulé par... Non, mais on est stimulé par l'extérieur. Stimuler veut dire, c'est un synonyme barbare de manipuler. Nous sommes manipulés par l'extérieur. Oui, mais la maison qu'il a achetée, il l'a choisie. Il est en voir plusieurs. Ben, t'as vu sa maison? Oui. C'est la porte qui est manipulée. Ah oui, des exemples plus faciles, là. OK, je suis marié. T'es marié? Un jour. T'es divorcé, là? Ben oui. Et voilà! Franchement, il a décidé qu'il se mariait avant de divorcer. T'aurais dû divorcer tout de suite, sauf du temps. Ça a coûté moins cher. Pourquoi tu t'es marié avec cette dame-là? Ouais. C'est la plus grande question, monsieur. Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui, on n'allait pas. Daniel, il ne s'est jamais posé ça. OK, quand avec cette dame-là? Ben, je la connaissais, ça faisait 7 ans que je restais avec. Bon, sacré bleu, oui, ça fait 5 ans que je connais, 2 ans. Oh boy! T'as 7 ans, tu te maries. Moi, je la connaissais assez, je dis, on va se marier. Assez, j'ai dit ça. Ça fait 7 ans. Jean-Guy, t'as un discours qui ne tient pas debout en face de ton intelligence. Pas du tout. Ben, moi, il est franc, tu sais. Ben, c'est ça, il est manipulé. Ben, j'essaie de voir quelque part où j'ai eu... L'aimais-tu? Je l'aimais. À l'époque? Oui. Je l'ai pas à dire oui, là, mais oui. Avais-tu décidé que tu l'aimais? C'est embêtant, ça. Bon, embêtant! Ouvre le voile, non. Regarde! Non. OK. J'ouvre le voile. Tu fermes le voile et tu dis c'est embêtant. Ben, c'est ça! je l'ouvre ce voile-là. Là, ben, j'ai vu non, en fait, j'ai divorcé. C'est... Je dirais pas le mot, là. Fourvoyant. Alors, ça me ramène de mémoire. Moi, j'ai un gars qui s'essuie comme ça puis qui a rien, là. Aïe, aïe. Ça fait mal un peu, mais pas plus que ça. Divorcer, c'est facile. OK. Divorcer, c'est facile. Ça, c'est mise en garde pour tes prochaines femmes. Bon, ouais. Bon. Je me cherche une ex-prochaine, madame. J'ai eu des enfants. T'as eu des enfants? Ouais. As-tu décidé que t'avais ces enfants-là? Non, mais j'ai décidé qu'on avait des enfants. Non, mais quand j'ai fait mes enfants, j'ai dit oui, on avait des enfants. C'était voulu. Oui, okay. C'est ça. Pourquoi as-tu décidé que tu avais des enfants? Mais posez-vous les vraies questions. Mais il n'y a pas choix de dire qu'ils voulaient, ils sont ici. Ben, j'aime mes enfants, ça me tentait. Ça me semblait aller de pair. Bon, je suis manipulé avec mes enfants, ça a de l'air, mais... Non, ça n'a pas de l'air. C'est ça. Quand as-tu décidé que tu avais des enfants? Ah ben, jamais. Donc, tu as réagi d'une suite logique à ton amour pour les enfants, à ton handicap là-dedans, puis finalement, tu es allé créer des enfants. Ouais, mais là, si l'amour pour les enfants, c'est inné pour lui. Oui, il a décidé. Ouais, mais j'ai pas non, mais c'est lui, ça. Ouais, c'est lui. Pas manipulé, c'est lui. C'est ça, c'est lui. C'est lui. Mais j'ai pas le choix de pas aimer. La vie passe dans lui, ben elle fait chanter. C'est chez lui le chant. La vie passe chez toi, ben elle fait chialer. C'est chez toi le chiant. Oui, mais être manipulé, c'est prendre des décisions à partir de quelque. Bon, on parlait de... Non, être manipulé, c'est pas prendre de décision. Le confort, non, mais le confort du libre-arbitre, c'est parce que vous pensez tous que vous prenez des décisions. C'est confortable de penser ça. Ben, tu poses une action suite à... Tu prends le poste 22, des fois, il y a un gars qui est un drôle de nez, là, qui a l'air fin, puis il est bien un con. Lui, là, c'est le genre, il est toujours en public, là. Et, mettons, il se relâche son verre d'eau, là. Il m'a donné une échappe un peu séculote. Il est là, oups, un peu séculote. Là, le monde regarde, puis là, il met un peu plus, il suit. Un peu plus, il suit. On va entendre tout le monde, c'est lui, il t'a fait essuyer. C'est un expert en affaire. L'humain est comme ça. L'humain, là, il marche tout seul sur la rue sans faire, je sais pas. Là, il regarde l'affaire qui est là. Ben non, l'humain, il marche sur la rue, là, puis l'humain, il dit, merde, j'ai oublié quelque chose. Il y a du monde, il faut retourner tout de suite. Faut pas que le monde sache qu'il y a quelque chose. Continue un bout de temps. Puis c'est plein, manipulé. Oui, mais c'est dans la nature, ça, d'être. C'est ça, c'est dans la nature de l'humain. C'est dans la nature de l'homme. Pourquoi êtes-vous raciste, les racistes? Non, mais... Mais parce que... Mettez-moi la mentalisation que vous voudrez. Mais c'est parce que vous êtes charrié, être raciste. C'est pas la cutanéité d'un individu qui détermine ce qui va être dedans. C'est pas de son corps physique, je parle là-dedans. Non, mais moi, je suis d'accord pour dire, la manipulation, c'est un conditionnement. Fait que dès que tu nais, tout ce qui... Tes mémoires, c'est tout un conditionnement, c'est tout quelque chose qui est arrivé à l'extérieur. Tu prends aucune décision là-dedans. Comment? Tu prends aucune décision après. Ah, mais... T'as pas choisi la marque de couche que tes parents te mettaient. Puis tu choisiras pas la marque de couche que tes enfants vont te mettre. D'un bout à l'autre! D'un bout à l'autre. C'est parce que moi, je suis d'accord pour dire qu'on on est manipulé. Ça, t'es même pas d'accord! T'as pas le choix! Non, je suis d'accord. Non! Moi, il n'y a rien à faire, je suis d'accord. Je sais qu'il n'y a rien à faire. Mais fait! Le libre-arbitre existait-il à quelque part? Non. Bon! Je serais aidé l'autre façon. Donc, pourquoi qu'on vit dans l'illusion de ce libre-arbitre-là? Qu'est-ce qui fait en sorte, là? Pourquoi l'humain dans l'illusion du libre-arbitre? Pourquoi? Pour pas que l'humain se rende compte qu'il se fait jouer sans arrêt. C'est pour ça que l'humain dans l'illusion du libre-arbitre. L'humain dans l'illusion du libre-arbitre, pour la simple raison qu'on le matraque, on le massacre sans arrêt. Et pour que l'humain continue à accepter de se laisser massacrer, puis maltraiter, bien, on investit chez lui, supporté par l'espoir, on investit chez lui l'idée qu'il y avait un libre-arbitre. Ça veut dire que si tu souffres, là, ben c'est de ta faute! Mais c'est pas vrai! On te nargue, on te fait souffrir, on te tricote! L'humain, c'est ça! Ça n'a pas marché! T'as pas assez prié! T'as faute! C'est simple, toujours la faute de l'homme! Puis quand tu réussis un exploit, sois humble! Sois humble! Prends pas toute énergie, parce que ceux qui te manipulent veulent s'en nourrir! Mais ces manipulateurs-là, là, j'ai même misère à dire ça ce soir. Ces manipulateurs-là, C'est maudit, là. C'est maudit, là. Moi, j'irais bien plus fort, là. Ces maudits-là ne veulent pas qu'on s'en sorte. Mais c'est évident. Ils veulent pas. Mais si on passe là-dessus. Ils veulent pas qu'on joue le rideau. Mais c'est une autre chose. Fais juste observer que tu es manipulé. Puis il y en a ici quelques-uns qui ont fait le séminaire. C'est pas parce qu'on a fait le séminaire qu'on a conscience. On a conscience pendant le séminaire, on fait déjà un maudit bonbon. Mais après ça, on joue et on continue à vivre sa vie comme si on avait du libre-arbitre. Mais c'est là qu'on défend même ça. On défend ce qui nous garde dans la merde. L'illusion, tu défends le confort du libre-arbitre. C'est confortable, le libre-arbitre. Je m'en finis par le croire. Moi, je comprends pas quand tu dis ça. J'étais pas d'accord, c'était confortable, mais là, je me rends compte, si on le défend, c'est quelque part... Ouais, mais je comprends pas, moi, là. Mentalement, tous les êtres humains intelligents, ils diront pas qu'ils sont confortables à faire. C'est évident. Je te parle de tous les véhicules humains. L'humain est confortable dans l'idée. Explique ça, là, que l'humain considère que c'est... Je considère dans le confort là-dedans. Non, au départ, voir que l'humain n'a pas de libre-arbitre. Quand tu le vois et tu continues à le faire, c'est sûr que tu es manipulé à continuer à le faire. Puis l'humain est. Si tu ne serais pas confortable dans l'illusion du libre-arbitre. Moi, il y a quelque chose qui. Mais je réponds. Si tu ne serais pas confortable dans l'illusion du libre-arbitre, tu ne serais pas confortable là-dedans. Mais tu serais dans une colère, mon ami, comme je ne l'ai jamais vu. Bon, OK. On va venir, on va descendre. On serait-tu capable d'en sortir, là-dessus? Mais c'est sûr que l'intelligence que vous autres, c'est sûr que toi, là, c'est sûr que tu... Oui. Puis toi, tu es libre. Libre dans ta conscience, mais ta conscience est exprimée dans quatre véhicules terrestres. Oui, mais quand est-ce que ça vient assez fort? Le mental, l'astral, le vital et le physique. Puis tout ça au complet, grâce à l'âme, à l'ego, c'est assujetti totalement. Ce fait que toi, tu descends dans ton corps physique, tu dis, bon, ben maintenant, je vais faire ce qui est mieux pour mon corps physique de façon à l'émanciper pour arriver à m'exprimer mieux dedans. Puis tout le corps, tous les corps planétaires sont totalement manipulés, tout descend bon. Mais j'arrive pas chez nous, là, c'est ça. Bon, ben je vais m'étirer pour replacer mon système nerveux comme il faut. Tu te lèves, puis tu t'en vas. Bon, ben je m'étirerai un autre jour. Tu es manipulé. Tu sais, tu descends à l'escalier ou tu rentres chez toi, là, bon, ou tu arrives demain, n'importe qui, un inconnu, tu as une relation d'affaires à faire. Bon, je vais être relax. Puis là, tu t'en viens tremblant, tes mains transpirent déjà, tu sais. C'est cherche-moi là, le libre-arbitre. Oh non, mais c'est pas pareil, des fois là, je m'entraîne. Quelqu'un qui a du libre-arbitre, là, il décide pas de transpirer pour décider de s'entraîner, pour décider de plus transpirer. Il transpire pas. Bon, okay, c'est que l'intelligence, quand elle descend, elle n'est pas chez elle parce qu'elle rentre dans quelque chose qui elle peut pas. Laisse-la l'intelligence pour l'instant. Mais moi, c'est ça. Moi, ce que je vois, là, c'est que on met ça. Je suis d'autre quelqu'un, c'est pas nous autres. Moi, pour moi, là, c'est évident qu'on n'a pas de libre-arbitre. Si moi, je veux sortir par ici, tout à l'heure, ça passe pas. Libre-arbitre matériel. Bon. Et matériel. Puis, si je m'achète telle sorte de produit, ben, c'est parce qu'il existe. Finalement, je suis manipulé de l'acheter. Si ça n'existerait pas, je ne l'achèterais pas. Ça, c'est un point fondamental. Deux, la publicité va te diriger vers lui. Trois, ça va fonctionner en fonction de ton conditionnement, donc de ta programmation intrinsèque. Fait, tout ça, c'est évident, mais le confort, je ne le veux pas. Puis, confort, je veux des marques réclamées confortables là-dedans. Mais ce que je veux, moi, c'est que les individus se rendent compte qu'effectivement, ils n'ont pas de libre-arbitre dans leur vie. Oui, mais... Pourquoi pensez-vous que l'humain est malheureux de sa condition s'il y avait du libre-arbitre? Si vous avez du libre-arbitre, là, vous allez faire ce qu'il faut faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Les psychologues vont dire, êtes trop niaiseux. Les motivateurs vont dire, êtes pas assez motivé. Puis tout le monde dit, connectons. Mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas. Pas là. L'humain doit s'écœurer suffisamment pour se conscientiser. Parce que ce que ça semble dire, là, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour vivre autrement. Non, c'est que l'humain, toi, l'humain, ce qui descend, pas l'humain, ce qui descend dedans, l'être, la réalité, elle a la capacité de reprogrammer. D'ailleurs, l'utilité des conférences, c'est ça, c'est de parfaire la conscience de l'humain qui est ascensionnel actuellement. On a la capacité de reprogrammer les véhicules égoïques, donc les véhicules planétaires, l'astral, pour que quand ça va bien nous manipuler, qu'on soit manipulé à faire quelque chose que de toute façon on voudrait faire, au niveau d'intelligence. Mais présentement, l'humain n'a pas suffisamment de contrôle dans son intelligence au niveau du corps physique pour prétendre à un libre-arbitre. Il n'a pas de libre-arbitre. Quand tu dis faire quelque chose qu'on voudrait faire, c'est quelque chose d'intelligent. Mais en réalité, tu ne voudras pas le faire. C'est quelque chose que tu sais qui doit être fait. Parce que ça retombe dans le libre-arbitre, là, vouloir quelque chose que tu sais qui doit être fait. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, là? Ouais, mais quelque chose qui doit être fait, c'est comme si ça doit être fait au nom de quelque chose. Là. Non, le feu prend dans la salle. Ici, il y a une porte pour sortir, on sort par la porte. Oh, mais on n'a pas le choix. Mais, ben oui, les cons sortent par la porte, les intelligents sortent par la porte, les génies sortent par la porte, les super génies sortent par la porte, et moi aussi, je sors par la porte. Il y a deux possibilités. C'est pas qu'il y a quelque chose qui doit être fait. T'as deux possibilités. C'est tu sors ou tu sors pas. Non, il n'y a aucune possibilité. Ben oui. Non. Ben Daniel. Il y a une illusion. Hey, il est pas confortable. Non. Mais il veut pas sortir. Ok, Daniel. Non, Daniel, la preuve, il y en a qui passent, qui restent dans le feu, ils meurent là, puis il y en a qui sortent. Ceux qui meurent dans le feu, là, il n'y a pas deux choix. Il y a un choix, mourir dans le feu. Ceux qui sortent, non, je te parle pas des choix. Je te parle pas du choix de l'individu. Il n'y a même pas deux situations. Ben oui, il y en a deux. Non, il y a ceux qui meurent, puis il y a ceux qui sortent, c'est fini là. Les autres, là, les autres, ils vont mourir dans le feu. Qui cogite, qui pense, qui voudra aller mort dans le feu. Donc là, ça veut dire qu'il y a une destinée. Tu dis que l'humain, il y a une destinée. Je dis pas qu'il y a une destinée, je dis que l'humain est planté. Mais pourquoi que lui, d'abord, il prie à la destinée? Pourquoi que lui? Ça balance, c'est quand tu marches sur le trottoir, il y a pas mis là. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi pas elle? Pourquoi? C'est ma faute, j'ai pied à ce grandeur-là, puis si elle est partie, pas. Ça, c'est une connerie de chercher pourquoi moi, pourquoi pas là, pourquoi pas là, pourquoi ci, pourquoi pas ça. Donc, dans cette illusion-là, non, moi, l'idée de libre arbitre dans la conscience, on y a touché tant que ça. Là, au départ, ce que tu veux dire, c'est que l'humain. Je vais revenir sur l'incendie, par exemple. Moi, je suis d'accord que celui qui reste en dedans, qui brûle, là, ça peut être à cause qu'il s'est enfargé dans la tuile du plancher. C'est pas vrai! Il y a quelque chose d'extérieur qui l'a manipulé, il reste là. Dans l'absolu, c'est même pas ça. Mais c'est quoi? C'est que lui, il meurt, là. Non, ça, c'est la finalité. Ça, c'est la fin. Non, mais c'est ça. Oui, mais d'accord. OK, lui, il a mouru parce que c'est réincarnationnel. Non, ça vient du passé. Ça vient. Ah non. Je ne veux pas le perdre de ce que j'ai, là. L'idée de l'évaluer de la conscience, ça va. OK? L'intelligence descend. Mais je vous arrête, là, vous parlez comme des philosophes, tous les trois. Parce non. Que vous, les deux, tu penses que. Je vais arriver quelque part. Oui, Daniel, je veux aller quelque part, là. Oui, mais t'es manipulé à aller quelque part. Moi, je vais pas. Regarde bien ça. Moi, je veux y aller, Daniel. Là. Ah oui, m'a y aller. Fais-moi y aller. Tu iras pas pareil, m'a y aller. Tu iras d'une demi-heure. Ah oui, je n'irai pas. Ce que je veux qu'on... Où je veux qu'on conserve la discussion pour ne pas échapper, parce que c'est sûr, les intervieweurs, tout le monde est manipulé à mentaliser, à cogiter, à s'en aller pour éviter de voir qu'ils n'ont pas de libre-arbitre. T'as pas de libre-arbitre. Tu es qui là? C'est pas ça le discours présentement. Ben, on l'a pas dit. Conscientise donc comment on te mène. Oui. Ah, ça sert à qui, ça? C'est pas ça, le discours, présentement. C'est de la philosophie ou de la théologie, ça. Conscientise donc comment tu vis l'affaire actuellement. Oui, je conscientise, j'ai pas le choix. Mais non, mais oui, mais moi, j'aime. Tu conscientises. Donne-moi des exemples de quand tu as eu le choix. J'ai pas le choix. Ça vient du passé. Que l'idée libre-arbitre dans la conscience, ça va. Parce que j'ai différents corps, puis je suis manipulé dans ces corps-là, ça vient de quelque part. OK? Ça se fait des pensées, on s'en fout de ça. OK. Mais ça vient du passé, disons. Pas grave, ça! Ben, c'est grave parce que c'est ça qui s'exprime. Ça vient aussi du futur. Bon, ça peut t'arranger. Ben, ça m'arrange. Ça vient instantané. Même si je sais que je suis manipulé, je peux peut-être commencer. En quelque part, d'espoir. Mais sans avoir de libre arbitre, en prenant conscience, je n'ai pas de libre arbitre de toute façon. Ben, il faut que j'arrête d'exprimer ce qui vient du passé.